J'ignore combien de temps nous restâmes dans la stupeur de cette crise. Quand je revins à moi, l'eau avait grandi encore. Maintenant, elle atteignait les tuiles. Le toit n'était plus qu'une île étroite, émergeant de la nappe immense. À droite, à gauche, les maisons avaient dû s'écrouler. La mer s'étendait. « Nous marchons !» murmurait Rose, qui se cramponnait aux tuiles. Et nous avions tous en effet une sensation de roulis, comme si la toiture emportée se fût changée en radeau. Le grand ruissellement semblait nous charrier. Puis, quand nous regardions le clocher de l'église, immobile en face de nous, ce vertige cessait. Nous nous retrouvions à la même place, dans la houle des vagues. L'eau, alors, commença l'assaut. Jusque-là, le courant avait suivi la rue, mais les décombres qui la barraient, à présent, le faisaient refluer. Ce fut une attaque en règle. Dès qu'une épave, une poutre, passait à la portée du courant, il la prenait, la balançait, puis la précipitait contre la maison, comme un bélier. Et il ne la lâchait plus, il la retirait en arrière pour la lancer de nouveau, en battant les murs à coups redoublés, régulièrement. Bientôt, 10, 12 poutres nous attaquèrent ainsi à la fois de tous les côtés. L'eau rugissait, des crachements d'écume mouillaient nos pieds. Nous entendions le gémissement sourd de la maison pleine d'eau, sonore avec ses cloisons qui craquaient déjà. Par moments, à certaines attaques plus rudes, lorsque les poutres tapaient d'aplomb, nous pensions que c'était fini, que les murailles s'ouvraient et nous livraient à la rivière par leurs brèches béantes. Gaspard s'était risqué au bord même du toit. Il parvint à saisir une poutre, la tira de ses gros bras de lutteur. « Il faut nous défendre !» criait-il.